Quand ça commence à s'embourgeoiser, c'est la fin de l'humanité. Le peuple danse en alternance, les riffs de Babylone nous entraînent et l'on continue à croire. La la la, et on la continue la à voir. La la la, continue à entendre. La la, continue à sentir toutes ces offenses, toutes ces ennemis. Quand le ciel est sous tension, on ne pense plus à ses problèmes, alors on oublie.